peux pas mettre une batterie? C'est la chanson de ma nana, c'est sa chanson préférée, je crois. Délégué. Hey. Hey. Hey. J'arrive pas à me caler. Merde. Oh merde. passé. J'ai commis moins d'erreurs. Toutes les fois que j'ai eu peur, je me serais blotti au chaud, à l'abri d'un ventre fier. J'aurais soigné ma peau, laissé par les froids d'hiver. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. Je serais devenu joli. Il aurait fallu que je change. Attends, je suis désolé, hein. Mais malheureusement. quoi le refrain. Attends, il faut changer la tonalité pour moi. Non mais moi je peux pas. Ouais, oui, toi tu t'en fous. Ouais. En fait, faut plutôt que je travaille le refrain. À fond là. Rouge et noir, mes luttes, mes Palawan. C'est dur ça. Pourtant il faut vivre et survivre, être heureux, vivre seul ou même à deux. Non, non, non, non, tu n'aimes pas Balavoine. Moi j'avais pleuré quand il était mort, j'étais petit. Putain, j'avais trouvé les paroles. Parole. Allez, t'es obligé de te taper la pub. Alors, t'es obligé de regarder la pub, sinon c'est fou, ça. La révolution. Thierry Sabine, oui. Ah oui, il était dans le même hélicoptère. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros, pas un héros. Coup de poing dans la main. Je ne suis pas un héros, un héros. Je ne suis pas un héros, il faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas. Je ne sais pas la jouer celle-là. Elle est bien celle-là. Ouais, si vous voulez, les accords, c'est la mineure, fa, ré, fa, et sol, et do. Ça suffit. Oh, tu n'as pas vu ça. Mais vote quoi? Vas-y, fais-le. Alors. Moi, je veux bien voter, mais vous votez. Ben, combien? Choisis, quoi. Mais je prends la batterie si tu veux. Allez, 130. Non, on n'a plus besoin de diviser maintenant, on va faire la normale, on va faire juste le refrain. J'ai voté, hein. On revote. Tac, voilà. Oh merde, j'ai mis un BPM 960. Thank you. merde. Oh, ça me fait chier. J'arrive plus à... Il faudrait un batteur en vrai. Putain, c'est sûr que je suis pas un héros. Bon, on met pas de batterie. Y'a pas de batteur. Je ne suis pas un héros. Mais comment je chantais tout à l'heure? À croire ce que disent les yeux. Moi je pense. Il y a pas assez de mesures. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller. Il y a pas assez de mesures, ça fait. This is...